Mickaël à la radio. Tous les matins. Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Déclaration Express. C'est avec Sébastien Loeb et avec Fabien qui sont là tous les deux d'ailleurs. Fabien qui est dans le standard. Salut Fab. Salut, salut. Comment vas-tu Fabien? Très bien. Ouais, bah il faut bien, oui, bah bien sûr. T'es dans quelle ville? T'as quel âge Fabien? Voilà, j'ai 24 ans, je viens de Verviers. De Verviers, très bien, ok. Et tu veux faire une petite déclaration express à qui? Isabelle, c'est ça? Isabelle. J'ai rencontré dans un café de Verviers, voilà, on s'est changé nos numéros en buvant un petit verre. D'accord, t'es sûr qu'on va pas appeler sur le répondant de la ligne anti-relou? Ce serait énorme. T'imagines, on appelle chez nous. Moi, je message, au pire. Ah ouais, on diffuse le son demain, c'est ah, bah, voilà encore un beau relou. Je dis, hey, mais salut. J'ai quelque chose à te dire, écoute. Bon, écoute, on va l'appeler directement, là, en live and direct. Et bah, dès qu'on l'a au téléphone, tu lui dis, voilà, j'ai un truc à te dire, écoute, et puis nous, on enchaîne derrière, d'accord? D'accord, ok. Allez, c'est parti. Si ça fait bip directement, c'est mauvais signe. Allez. Allô? Oui, Isabelle? Oui. Bonjour, c'est Fabien. Je sais pas si tu te rappelles de moi. On s'est rencontrés dans le café. On s'est échangé nos numéros en buvant un petit verre. Oui. Et voilà, j'aimerais bien te dire ceci. Quand on s'est connu, t'étais bronzé. Quand on s'est connu, j'étais bourré. On s'est rencontré en juillet dernier. On était au café. T'es venu t'asseoir juste à côté. Et quand je t'ai vu, t'étais gaulé. De ma chaise j'ai glissé et j'ai renversé tout dans ton décolleté. Après tu m'as giflé, ça commençait mal, je l'avoue. Mais si tu te mettais à genoux, tu ferais un truc bien meilleur qui rentre comme dans du beurre. Sache que ton goût aïe. Après quand ce sera terminé, tu voudras tout le temps recommencer. On fera ça pendant des heures, on fera ça pendant des heures et ça rentre. Non. Non, mais pas deux fois quand même. Hein. Pas deux fois. Je suis la censure et je dis qui frappe Sébastien pendant qu'il chante, c'est un scandale. Alors que les gens que je réveille ne me frappent pas. Alors attention, revenons à nos moutons maintenant avec Fabien et Isabelle. Isabelle, t'es là toujours? Ah voilà. Bon, c'est Mickaël, t'es en direct à la radio sur Fun Radio dans Mickaël à la radio. Et il y a bien évidemment chaque matin la déclaration express. Ce matin, c'est tombé sur toi, rapport à Fabien. Qu'en as-tu pensé? Ça t'a touché? Oui, ça m'a touché, oui. Oh, t'as vu, ça marche, hein. Ça marche. Et alors, physiquement, t'en penses quoi de Fabien? Il est pas trop mal, donc on pourra aller revoir un verre, mais la prochaine fois, il me reverse plus, en vrai. Il a un verre grenadine avec une paille la prochaine fois. Ah, donc, donc il t'a vraiment reversé un verre dessus? Oui. Oh mais quel idiot alors. Non, moi je trouve que c'est un bon moyen de rentrer en contact. Non, c'était son truc à lui effectivement pour l'aborder, pourquoi ouais. pas. Ouais, non, donc t'as claque, mais bon. T'as compris Fabien, pardon, la prochaine fois, t'évites le verre, hein, c'est ça, tu prends un verre à vous. C'est pas fait exprès, justement, je suis un peu maladroit donc. Ah ouais, ça on a bien vu. Hein. Bon, très bien, eh ben écoutez, une affaire qui roule, ça, c'est bon ça. Et vous nous dites, voilà. Hein, si jamais ça se passe comme dans la chanson, on sait jamais. Hein. D'accord. Bon, allez, gros bisous à tous les deux. Merci également. Allez, à bientôt à vous deux, bye bye. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio, fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et nous allons maintenant faire un tour du côté de la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio les meilleurs messages qui ont été déposés sur le 0 473 86 00 13. Le concept, je le rappelle, vous retenez ce numéro par cœur. Surtout vous les filles, bien évidemment. Vous retenez le numéro de téléphone par cœur. Et du coup, quand un relou vous croise, ou que vous croisez un relou plutôt, eh bien, vous, pour vous débarrasser de lui, vous lui donnez le numéro de la ligne anti-relou. Du coup, lui va croire avoir fait la bonne affaire, l'affaire de l'année, en ayant votre numéro de téléphone, en ayant réussi facilement à avoir votre numéro de téléphone, sauf qu'en fait c'est pas le vôtre, c'est le nôtre. Il va donc appeler et laisser un message comme par exemple celui-là. Oui, bonsoir Vanessa. Je m'appelle Béranger, je suis l'ami de Dorothée et de Johan. C'est Dorothée qui m'a donné ton numéro de téléphone pour que je te contacte. Je te recontacterai. Ça va? Ben, une bonne soirée et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Oh l'enfoiré, l'ami quand même qui lui a donné le numéro de téléphone de l'ami anti relou. Regarde la meuf là, elle est intéressée partout et tout, je te file ton numéro, regarde. C'est là que tu sens les vrais amis. Ah ouais. Ce serait bien ton genre, tiens, ça t'offre. Ah ouais, bien sûr, ouais, tout à fait. Bah oui, évidemment. Et alors, autre message laissé sur la ligne anti relou ce matin. Pourquoi il marche plus? Non, il n'a pas envie. Bah non, bah il marche plus. Pourquoi ça marche plus? C'est peut-être le méchant message. La ligne anti relou est en panne. Ah non, bah il n'y a pas que la ligne anti relou qui est en panne. Tout est frisé sur mon ordinateur. Tu as encore tout cassé, Mickaël. Tu ne sais décidément pas te servir d'un ordinateur. Tout est frisé, mon écran est tout blanc. Ah oui, tiens, oui, je vois effectivement j'ai le retour qui est tout blanc également. Ah bah on est bien là, on est bien ou on est pas bien? Bah attends, on va faire la ligne anti relou. Ah, c'est lancé. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, ça y est. Allô, c'est Jessica, dit pseudo Lila Tigresse. Je vois tout sonner sur le GSM de ta soeur, je t'attends toujours. J'ai mis mon string comme un léopard, je suis à chambre d'hôtel, j'ai assez payé les chiens, donc je t'attends. Bisous, mon chéri. Lèche. Ah non, quelle erreur. Chaque fois, ça me choque. Lily la tigresse, quoi. Lily la tigresse qui termine par lèche-lèche. Ah, ça c'est bon, lèche-lèche. Oui, c'est magnifique. Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean-Roch. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Radio. Parlons maintenant des ch'tis, puisqu'à la demande générale, ils sont de retour ce matin. Oui, c'est merveilleux. Et oui, yépa, c'est le retour. Le retour des champions de la langue française, des gardiens du bon usage. Et oui, les ch'tis à Ibiza, effectivement, oui. Et pour résumer, c'est un groupe de gars du nord de la France qui partent à la recherche d'un job à Ibiza. Mais pendant qu'ils ne cherchent pas, en fait, ils se font des petites blagues, hein, justement, les ch'tis. Écoutez. On a vidé le dentifrice et on a mis un mélange de savon et de mayonnaise à l'intérieur. Ah ouais, c'est génial, hein, donc qu'est-ce qu'on se marre là-bas. Mais oui, attends, hein, et maintenant, on sait pourquoi ils ont la laine de bouc. Bah, c'est ça, hein, et donc, une fois qu'ils ont fait leur van, en fait, ils ont eu peur des représailles, bah forcément. La connerie, elle est faite, maintenant, il faut ranger surtout nos fringues, aller les cacher, parce que s'ils trouvaient nos fringues, on allait se faire pourrir, quoi. On a pris toutes nos affaires, moi, je vois, on les a mis tous dans notre valise, on a été les mettre carrément au haut de la colline derrière. À la maison. Ah oui, dans la ville, il s'en passe des choses. Ah oui. Mais oui, c'est là le mieux. Hein. Mettons ça à des kilomètres de chez nous, comme ça on les trouvera pas. Ils vont se faire bouffer par les insectes. Bon, hier je vous avais appris aussi comment demander une coupe de cheveux en anglais. Souvenez-vous, hein, c'était hier. Ah oui, donc, oui. You baby, you have not day. I want my hair. Je vais mettre en l'air, quoi, toi. Oh, je mets en l'air, tu vois. Again, voilà. Je vais mettre en l'air. Et oui. Coupe très à la mode à Ibiza en ce moment. Tout à fait. Eh bien, aujourd'hui, je vous apprends la traduction du mot warning. Warning, Vincent Jordan. You. Warning, c'est la guerre. C'est abusé, sérieux, c'est écrit partout, sur tous les modes d'emploi, c'est écrit warning. Warning, c'est la guerre. Warning, c'est la guerre. Ouais, mais tu sais, ils ont pas dû lire beaucoup de modes d'emploi non plus. Mais t'imagines, la meuf, elle déballe son micro-ondes à la maison. Oh là là, faut que je retourne au magasin, il faut que je l'échange. Mon micro-ondes, il est en guerre. Voilà, donc pour tous les étudiants qui sont en train de nous écouter et qui auraient éventuellement une interro d'anglais, écoutez bien, ça peut vous servir. Warning, Vincent Jordan. You. Warning, c'est la guerre. Eh oui, ouais, warning, c'est la guerre. Voilà, mettez ça sur votre petite, sur votre devoir ou votre interro. Je pense qu'on peut bien se marrer. Mm-hmm. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, espèce de petit. Mickaël à la radio. Et nous allons encore essayer d'avoir un peu d'argent, Tof. Hein? Ouais, enfin. C'est surtout maintenant que j'ai vu sur internet qu'on pouvait faire la manche en acceptant les cartes de crédit, donc plus besoin d'aller se prendre la tête dans la rue. Moi je fais tout par téléphone de chez moi, ça marche très bien. Ouais, on l'a dit il y a une heure, hein, c'est le créateur de Twitter qui a inventé un boîtier qui se branche sur un téléphone et qui débite sur ton compte de la carte du donneur. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est bien fait quand même. Attends, fini l'excuse après. Oh, excusez-moi, je n'ai pas de monnaie. Ouais, c'est ça. Bon, c'est pas grave, passe ta carte. Ouais, je suis pas sûr pour autant que les gens vont te donner plus, mais bon. On sait jamais. Faut appeler pour savoir. Bon, on avait appelé à Jumet tout à l'heure, ça c'était pas forcément bien passé, hein, parce qu'on était tombé sur quelqu'un qui ne parlait pas français, ce qui était quand même pas pratique. Et par contre, maintenant on va appeler. Peut-être qu'il faisait semblant. Ouais, on appelle à Ornu maintenant, ça va ça? Allez, Ornu, on y va, c'est parti. Pas sûr que t'auras grand chose, mais enfin bon, on sait jamais. On ne sait jamais. Un petit pronostic, Julie? Échec. D'accord. De toute façon, elle dit jamais autre chose. Non, je l'ai. Sauf quand c'est Roberto. J'ai un vocabulaire très limité. Ouais, sauf quand c'est Roberto, à ce moment-là, oui. Ouais, mais là, lui, il a un truc. Allô? Ouais, allô? Ouais, t'as pas 5 euros là? Ouais, ouais. Ça... Est-ce que... Ouais, je veux savoir si t'as 5 euros. Je ne sais pas, Kibi. Je demande si tu as 5 euros. De l'eau ? Non, pas de l'eau. Euros, argent, monnaie. Et pourquoi faire ? Bah parce que j'en ai pas. Alors je voulais savoir si tu peux m'en donner un peu. Va à la merde. Va à la merde. Mais c'est de marrant, nouveau, ça parlait difficilement français. Mais hein. Ouais, on tombe tout le temps sur des mecs qui parlent pas français, c'est relou là. Bon, on rappelle encore une fois Arnu. Va à la merde. Va à la merde. On rappelle encore une fois Arnu, c'est parti. Allez. Et si vous avez des numéros, des gens qui seraient ouverts, n'hésitez pas, 3044. Transmettez-nous. Allô ? Ouais, pour qui tu te prends comme ça ? Qu'est-ce que vous dites ? Ouais, moi je demande à ta meuf si elle a 5 euros, elle me raccroche au nez. Pour qu'il se prend. Et c'est qui, vous ? Moi ? Moi, c'est Toff. C'est Toff, et voilà, moi je te demande 5 euros là. C'est possible ? Toc ? Ouais, si tu veux, on s'en fout. De toute façon, moi j'appelle pour savoir si t'as 5 euros. Vous êtes un peu toqué alors ? Non, je suis pas toqué. Je toque chez toi pour avoir 5 euros. Et qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? Oh, je sais pas. Tour du monde ? Je sais pas, je vais aller picoler, on s'en fout. De toute façon, ça te regarde pas ce que je vais en faire. Bon, vas-y, tu donnes ton numéro de carte là ? Eh ? Ouais. Ouais, je t'écoute là, qu'est-ce qu'il y a ? Écoutez, allez dormir. Ouais, bah donne-moi ton numéro de carte et je vais dormir, vas-y, c'est bon. Ah, j'ai entendu Poutane hein, dans le fond. Hein. Mais ils sont quand même assez cool parce que le mec il rigole. Oui, Marc Simpson. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, je perds toujours ma voix. Eh oui. Mais le mec il rigole quand même, donc je trouve qu'ils ont quand même de l'humour, les gens. Ouais, hein. Bah minimum quand même. Hein. Bah bon, ouais. Allez. Enfin, il était quand même bien violent à la fin. Ouais, à la fin, il faut le dire ce qui est. Mickaël à la radio, le replay. Fun Radio.